Nous sommes le vendredi 18 mai 2018, bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast 100% jeux vidéo et quotidien, et oui, et ça c'est important, n'est-ce pas? Bref, moi c'est Bruno Roca, on va se régalader, hein, encore avec un bon quart d'heure de jeux vidéo. Alors je rappelle que c'est le dernier rendez-vous de la semaine ce matin pour tout le monde, bien sûr, mais pour les tipeurs, parce que vous savez que j'ai une page Tipeee où vous pouvez m'aider si vous voulez à porter l'émission encore plus loin, et donc pour les tipeurs, il y a l'édition du samedi, hein, avec la revue de presse Rétro, une belle émission inédite à retrouver directement sur le Tipeee chaque samedi matin. Je rappelle également, parce que ça, je ne le répéterai jamais assez, ce qu'on pose encore la question, à partir du moment où vous êtes tipeur du samedi, vous avez accès à toutes les archives de toutes les émissions du samedi, et ça, quand même, j'ai envie de vous dire, c'est magnifique, voilà. Donc, on va attaquer tout de suite avec le programme du jour, et puis voilà, que dire de plus si ce n'est « let's go », hein, comme disent nos amis anglo-saxons.